نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها الإخوة الكرام نحن اليوم في اليوم الثاني عشر من رمضان وقد مضى الثلث الأول من هذا الشهر المبارك والثلث كثير فإن شهر رمضان قد اقترب أن ينتصف فهل فينا من حاسب نفسه وانتصف وهل فينا من قام فيه بما عرف وهل تشوقت أنفسنا لليل الشرف أيها المحسن فيما مضى دم على طاعتك وإحسانك وأيها المسيء وابدخ نفسك على التفريط ولمها لأن المسلم إذا خسر في هذا الشهر المبارك فمتى سيربح فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في الأعمال الصالحة في بقية شهركم قال الله عز وجل أياما معدودات هذا الشهر أيام معدودات وكم من الناس حتى يومنا هذا لم يستفيد من شهر رمضان قد ضيع نهاره في النوم والكسل ولياليه في السهر والخروج تخيلوا معي أن من الناس حتى الآن لم يضع رجلا في المسجد من بداية رمضان لا سيما الشباب فحتى متى سيعيش الإنسان للذاته وشهواته وحتى متى يسير في طريق أهل النار ومع ركب إبليس لعنه الله الذي قال الله تبارك وتعالى عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Chers serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le 12e jour du mois de Ramadan. Le premier tiers de ce mois béni est passé. Le mois de Ramadan est proche de sa moitié. Il y a-t-il parmi nous des gens qui ont fait le bilan avec leurs âmes et agi avec justesse? Y a-t-il parmi nous des gens ayant appliqué leurs connaissances religieuses pendant ce début de mois? Est-ce que nos âmes désirent-elles atteindre les plus hauts degrés de la piété? Donc, ô toi musulman qui a été droit pendant les 10 premiers jours du Ramadan, continue sur la voie de l'obéissance et la bienfaisance. Et ô toi qui a mal débuté ce mois, réprimande ton âme et blâme-la, car si le musulman perd pendant ce mois, quand va-t-il triompher? Donc chers serviteurs d'Allah, craignez Allah et faites des efforts d'œuvres pieuses pendant ce qu'il reste de ce mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit « Eyyaman ma'doudat » C'est-à-dire que ce mois n'est que quelques jours, il ne dure que quelques jours. Donc combien de personnes n'ont pour l'instant tiré aucun profit de ce mois? Ils passent leur journée à dormir, à sortir et à se balader et dans la paresse et la nuit ils veillent ou bien ils sortent ou bien ils regardent la télé. Imaginez qu'à l'heure actuelle, le 12e jour du mois de Ramadan, il y a des gens qui n'ont pas encore mis leurs pieds à la mosquée. Surtout les jeunes. Il y a plusieurs années, les parents, lorsqu'on leur disait N'emmenez-vous pas vos enfants adolescents à la mosquée? Ils nous disaient, mon fils demain il a école. Mais parce qu'il y a école au mois d'août en ce moment? Il n'y a pas d'école. Donc vos enfants, surtout les adolescents parmi eux, ils n'ont aucune excuse à délaisser leur présence à la mosquée. Donc, jusqu'à quand allons-nous vivre pour satisfaire nos envies et nos désirs? Et jusqu'à quand allons-nous suivre la voie des gens de l'enfer et Iblis? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, le diable pour vous est un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi et il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ayyad al-Bilal. Ayyad al-Sahima. Yaqulu Qatadatu ibn Da'amat al-Sadusi, أحد التابعين رحمه الله كان يقول كان يقال يعني في زمانه من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له لما في هذا الشهر المبارك من أسباب المغفرة والرحمة فلنستدرك باقي الشهر لأنه أشرف أوقات الدهر هذه أيام يحافظ عليها وتصان وهي كالتاج على رأس الزمان ولنعلم جميعا أننا مسؤولون عن ما نضيعه من أوقاتنا وأحياننا فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم رواه الترمذي. شيخ جلال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله un grand tabi'i il disait les gens disaient c'est-à-dire à son époque celui qui ne se fait pas pardonner pendant le mois de Ramadan il ne se fera jamais pardonner car pendant ce mois sont réunies toutes les causes de pardon et de miséricorde. Il faut donc que nous corrigions notre comportement et nos adorations pour la fin de ce mois. Car ce sont les moments les plus nobles de l'année. Ce sont des jours que nous devons protéger et préserver. Ces jours sont tels la couronne du temps. Et il faut savoir que nous serons questionnés, Yawm al-Qiyama, sur le temps que nous gaspillons et gâchons. De manière générale, nous serons questionnés sur toute notre vie. Sur le temps que nous gaspillons pendant toute notre vie et plus encore pendant le mois de Ramadan car plus les périodes sont précieuses plus le fait de les gaspiller est un péché énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit les pieds du serviteur ne bougeront pas de leur place le jour de la résurrection avant d'avoir été interrogé sur quatre choses sur sa vie et comment il l'a épuisée sur sa jeunesse et comment il l'a passée sur son argent et comment il l'a acquis et dépensé, et sur sa science et comment il l'a utilisé, rapporté par Al-Tirmidhi. Ayyuhal muslimun. Ya'lamuna anna Ramadan huwa ash-shahr alladhi yatanafasu fihi al-mutanafisun wa yatasabaqu al-khayyirun lil-taqarrubi ila rabbihim jalla jalaluhu bi anwa' at-ta'at wa al-qurubat ma bayna siyamin wa qur'anin wa qiyamin wa du'ain wa tadarru'in wa nafaqatin wa sadaqatin wa تفطير للصائمين وغير ذلك من أنواع البر وأصنافه وإن من أعظم أنواع البر في هذا الشهر المبارك التقرب إلى الله عز وجل بإخراج المال طيبة به نفوسنا كريمة به أيدينا نرجو ثوابه عند الله جل جلاله وقد علمنا يقينا أن هذه النفقة سبب لدخول الجنة صلى الله تعالى يقول الله جل جلاله إن المتقين في جنات وعيون فما صفات هؤلاء المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنه كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وهذه النفقة وهذه الصدقة كذلك سبب في دخولك يا عبد الله في زمرة المتقين قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كما أن هذه يضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Chers musulmans, sachez que ce mois, le mois de Ramadan, c'est un mois pendant lequel les musulmans se concurrencent les uns les autres à faire le bien. C'est un mois pendant lequel les pieux s'empressent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par toutes les sortes d'adoration et d'obéissance, par le jeûne, par le Coran, par la prière nocturne, par l'invocation, par les dons, par les aumônes, par le fait d'offrir la rupture de jeûne à un jeûneur, par le fait de visiter ses proches, de visiter les malades. Donc toutes les adorations sont bonnes à faire pendant ce mois. Et parmi les meilleures sortes de piété pendant ce mois béni, le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les dons et par la générosité, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous musulmans, nous sommes certains que ces dons sont cause d'entrée au paradis. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur a donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah et dans leur bien, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et sachez également que ces dons sont la cause qui fait entrer l'individu. Les dons sont une cause qui fait entrer l'individu quelconque dans le groupe très fermé des pieux, al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au début de Surat al-Baqarah, tout le monde connaît ces versets, alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fi, et il dit mimma razaqnahum yunfiqun, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah ce que nous leur avons attribué. Également, ces dons sont cause de multiplication des hasanats, des bonnes œuvres. Allah, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, quiconque prête à Allah de bonnes grâces, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint et étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. Ayyuha al-muslimun, هذه النفقة هي سبيل الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الذين كانوا يجودون بما آتاهم الله من فضله يبتغون ما عند الله من ثواب وأجر. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. وإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قومي أسلموا فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء من يخاف الفقر. قال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وربما خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي كان يلبسه فوهبه لمن سأله إياه لما توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وهو من خيرة المسلمين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه حتى يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لهذا الصحابي الجليل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا هو جود وكرم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الجود وهذا الكرم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح أعظم ومضاعفا في شهر رمضان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. Chers musulmans, les dons et la générosité, c'est la vie des prophètes, la vie des messagers, la vie des rapprochés d'Allah et la vie des pieux serviteurs, ceux qui font preuve de générosité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de sa bonté, en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il siens et leur dit « Ô mon peuple, entrez dans l'islam, car Mohammed fait des dons de celui qui ne craint pas le besoin. » Ainsi, il arrivait qu'un homme vienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne recherchant qu'un bien terrestre, mais ensuite, après être rentré dans l'islam, la religion lui était plus chère que toute la terre et ce qu'elle contient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était même capable de retirer ses vêtements si quelqu'un en avait besoin, comme il l'a fait le jour où Abdullah ibn Ubayy ibn Saloul, le chef des hypocrites à l'époque du prophète, est décédé. Son fils, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubayy ibn Saloul, qui faisait partie des meilleurs musulmans, lui est venu et lui a demandé d'enlever son khamis afin qu'il s'en serve de linceul pour son père, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui a donné. Voilà comment était la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa bonté à tout moment. Et sachez que cette bonté et cette générosité devenaient encore plus grandes et multipliées pendant le mois du Ramadan. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il était plus particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan lorsqu'il recevait la visite de Jibril alayhi salam. Or Jibril venait le voir à chaque nuit du Ramadan et étudiait avec lui le Coran, et il devenait alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus généreux que le vent qui souffle sans arrêt, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون، فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليه، لأن الله جل وعلا يقول ويخاطب الصحابة ومن جاء بعدهم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. ثم أتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. ثم قال عمر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. رواه الترمذي. كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصاري مالا، كان أكثر الأنصاريين مالا بالمدينة، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، يعني حديقة وبستان، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيه طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. متفق عليه. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وقسم عليهم ذلك البستان يرجم عند الله من فضل وإحسان. Comme vous avez pu l'entendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux. Et ses compagnons, radiyallahu anhum, ont pris exemple sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset où il interpelle les compagnons, radiyallahu anhum, en leur disant: vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à lui-même, alors que vous êtes les besogneux. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de donner dans le sentier d'Allah. Je voulais pour une fois donner plus que Abu Bakr. Les compagnons, radiyallahu anhu, ils se concurrençaient dans les dons et dans les adorations. Il a voulu concurrencer Abu Bakr et faire mieux que lui, radiyallahu anhu. Alors il nous dit: je pris la moitié de mes biens et je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui dis: voici la moitié de ce que je possède pour l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: qu'as-tu laissé pour ta famille, Omar? Omar dit alors: je leur ai laissé la même chose. Ensuite vint Abu Bakr et il donna tout ce qu'il possédait. Et le prophète lui dit alors: qu'as-tu laissé à ta famille, ô Abu Bakr? Il leur dit: je leur ai laissé Allah et son messager. Ici, Omar dit alors: par Allah, je ne devancerai jamais Abu Bakr. Abu Talha al-Ansari était à Médine le plus riche propriétaire de palmiers des Ansar. La palmeraie qu'il aimait le plus était une palmeraie appelée Beiraha, qui était en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y entrait souvent et y buvait d'une eau très bonne. Anas nous dit: quand fut descendu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez, Abu Talha vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô prophète, Allah a fait descendre sur toi: jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez, et de tous mes biens, rien ne m'est plus cher que Beiraha, c'est-à-dire cette palmeraie. Aussi est-elle désormais de ma part une sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère y trouver un bien dans ce monde et dans l'autre auprès d'Allah. Place-la donc, ô prophète, à l'endroit que te fait voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: bakhil, bakhil, c'est-à-dire bravo, bravo, voilà donc un placement gagnant. J'ai bien entendu ce que tu viens de dire et je suis d'avis que tu la places parmi tes parents. Abu Talha dit alors: c'est ce que je vais faire au messager d'Allah. Et il partagea la palmeraie entre ses proches et ses cousins. Ibad Allah. An Abi Umamata al-Bahili radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: sana'i'u al-ma'ruf taqi masari' as-su wa sadaqat as-sir tudfi'u ghadab ar-rab wa silatu ar-rahim tazidu fi al-umr rawahu at-Tabarani wa sadaqatu ajruha mudha'afun wa thawabuha 'adheem. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbadat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Wa fi sadaqati tazkiyatun lilmal wa tathhirun lilbadan wa wiqayatun limasari' as-su wa fi sadaqati kadhalik daf'un lilbalaya wal masa'ib wal amrad kama anna as-sadaqata ayyuhal muslimun tanfa'u al-'abda yawm al-qiyamah يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته رواه الطبراني. كما أن الصدقة سبب لظل العبد في ذلك اليوم العبوس الصعب في ظل عرش الله جل جلاله يوم لا ظل إلا ظله. Par At-Tabarani. L'aumône, sa récompense et du corps et une protection contre la mauvaise mort. L'aumône éloigne les malheurs, les épreuves et les maladies. Elle est utile aux serviteurs le jour de la résurrection, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'aumône éteint la chaleur de la tombe pour ses habitants et le serviteur sera sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. L'aumône également est une cause qui mettra le serviteur sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama. Tout le monde connaît le hadith des sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah et il y aura parmi eux un homme qui aura fait un don d'une manière discrète, de telle manière que sa main gauche ignore ce que vient de dépenser sa main droite. Allah nous dit dans le Coran, si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien, c'est mieux encore pour vous. Si vous êtes discret avec elle et vous les donniez aux indigents, Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ayyuha al-muslimun, الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قد يقول قائل انا لا اكذب الا القليل، انا لا اكذب الا ما اقدامي انا واهلي وعيالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويشجع اصحابه ان يتصدقوا ولو بالقليل. قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000. فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. رواه ابن حبان. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله رب عمل صغير تكفره النية ورب عمل كثير تصغره النية. وقد تتصدق بتمرة فيقيك الله بها حر النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق التمرة. متفق عليه. تمرة صغيرة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، ترجو ثوابه وتخاف عقابه، تنفقها في سبيل الله، تطعم بها جائعا، تهديها إلى مسكين، تدخل بها السرور على مسلم، هي عند الله عز وجل بميزان عظيم. Chers musulmans, Allah dit dans le Coran, le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses, tandis que Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce de Allah est immense et il est omniscient. Certains disent, moi je ne possède que très peu d'argent, que ce qui me permet de survivre, moi et ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a incité ses compagnons à donner même de très peu. Il leur a dit un jour, un dirham dépensé peut en dépasser 100 000. Parfois les gens ils disent comment je vais donner un euro alors qu'il y en a qui donnent des centaines, des milliers d'euros. Le prophète nous dit un dirham donné peut en dépasser 100 000. Les compagnons demandèrent comment cela peut-il être au prophète. Et de nombreuses grandes œuvres, l'intention les rend minuscules. Donc il se peut que tu donnes une date en aumône et Allah te protège du feu grâce à cette aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, votre Seigneur parlera à chacun d'entre vous sans qu'il y ait de traducteur entre vous. La personne regardera alors à sa droite et ne verra que les actions, que ses actions. Puis elle regardera alors à sa gauche et elle ne verra que ses actions. Puis elle regardera devant elle et elle ne verra que le feu devant son visage. Le prophète nous dit ensuite, craignez donc l'enfer, même si ce n'est qu'en في سائر بلدان المسلمين وخاصة في بلاد الصومال فقد أصابهم ما تعلمون اللهم إنهم جائعين فأطعمهم اللهم إنهم جائعون فأطعمهم اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم عطشاء فاسقهم يا رب العالمين اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونذكر أن غدا كما ذكرنا قبل الخطبة يوم السبت سنجمع تبرعاتكم وصدقاتكم لأهل الصومال فنعول على الله سبحانه وتعالى ثم عليكم وإحسانكم بارك الله فيكم donc on rappelle que demain soir inshallah avant salat al-tarawih nous allons réunir les dons pour les gens qui prient ici à la mosquée pour la Somalie donc tout le monde sait ce qui a atteint nos frères en Somalie donc nous allons réunir les dons des frères et des sœurs donc pour nos frères en Somalie et donc tout le monde connaît la générosité des gens de Creil et inshallah soyez généreux comme vous avez pu l'être.